juste un moment, maman, la jeunesse me manque. Où sont les mots, mes yeux me mentent, mec, j'en ai perdu les mots, le temps s'en moque. C'est l'adolescence m'a délaissé. Moi, tu l'avenir, pas de lézard, oublie les uns, les gens, les zones, les uns, les uns après les autres. Les salpes, ça t'époque, les fins portent les box. Attends la crise d'attends, un bitch à terre. C'était ce soir, maintenant, pas j'dors. Mon passe dans ma page tard. C'était la vie qu'on voulait nickel. Tu me demandes, ça va nickel, mec, on se capte à l'heure de call. Voir qu'on a poussé, quand c'est tous noyés dans le cul sec. Entre puceau et voir pipo tenir la poussette. On n'avait pas de but, sans ballon, sans but. Vomi de la pile ou le couplet rempli de bulles. Les petits gens sont devenus de vrais pitbulls. Scam que confident, il pur, coup pété de vin Spielberg. Quand le présent nous inspire plus qu'un split verse. Tu te rappelles à l'époque, j'avançais, je suivais pas les cours. J'squattais juste avec les potes, le reste poteau, j'm'en bats les couilles. Les premiers flashs de collage, les collègues et les collages. À l'époque j'avançais, je suivais pas les cours. J'squattais juste avec les potes, le reste poteau, j'm'en bats les couilles. Les premiers flashs de collage, les collègues et les collages. À l'époque j'kiffais la school, j'connaissais pas les blèmes. Quelques bagarres dans la cour, mais ma mère pensait les plaies. Sans penser au jour d'après, j'tapais des fous rires ancestrales. J'lâche mes souvenirs en 16 bars, quelques soupirs quand j't'égras. Tu sais les temps changent, les gens se rangent, tes potes trépassent. Les corps rongent, les grosses montent, les bons moments s'effacent. J'cogite, active ma plume, passé 3 heures du tam. Ivre aux saveurs du mat, spliff, j'aime les fleurs du jab. C'est le VAH, besoin d'une thérapie, les nerfs à vif. On prend des rides, du bide et on se dit que c'est la vie. Bientôt les 26 bougies, j'suis sous shit, plein de soucis. Et je roupie sur mes acquis, frère, ça sent le roussi. Je regarde ce monde de bâtard, d'un air à carré. Ça me rappelle que la vie est belle que si tu paies le tarot. Ouais, je suis cette pédaleuse, nostalgique la belle époque, ouais. Depuis que la belle est morte. Tu te rappelles à l'époque, j'avançais, je suivais pas les cours. J'squattais juste avec les potes, le reste poteau, je m'en bats les couilles. Les premiers flashs de collage, les collègues et les collages. À l'époque j'avançais, je suivais pas les cours. J'squattais juste avec les potes, le reste poteau, je m'en bats les couilles. Les premiers flashs de collage, les collègues et les collages. Tu te rappelles à l'époque j'avançais, je suivais pas les cours. J'squattais juste avec les potes, le reste poteau, je m'en bats les couilles. Les premiers flashs de collage, les collègues et les collages. Tu te rappelles à l'époque j'avançais, je suivais pas les cours. J'squattais juste avec les potes, le reste poteau, je m'en bats les couilles. Les premiers flashs de collage.